Vision de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Vision. Vers une hostie énorme, au fond d'un large cœur, dans un temple bâti sur des schistes qui pendent, voici 1800 ans que les moines ascendent et jettent vers le Christ tout le sang de leur cœur. Le temple est assis haut, là-bas, où rien ne bouge, du fond de l'univers, du zénith, du nadir. On regarde l'hostie immense resplendir, sous le jaillissement d'un grand soleil d'or rouge. Et les moines, les saints, les vierges, les martyrs, foulant à pas égaux les routes ascétiques, s'en viennent là, du fond de leur cloître mystique, s'incendier l'esprit au feu des repentirs. Les uns, n'ayant jamais péché, portent leur âme, comme un faisceau de lys sur leur manteau brodé. Ils ont le front de calme et d'ardeur inondé, et dans leurs doigts d'argent, ils portent une flamme. Il en est dont les reins se ceinturent d'ortie, et qui marchent, hagards, par les sentiers étroits, le dos raidi, les flancs creusés, les bras en croix, la bouche effrayamment ouverte aux prophéties. D'autres, la gorge sèche et la poitrine en feu, sont les suppliciés de jeûne et de prière, dont le corps s'éternise en des gestes de pierre, et qui dans les déserts hurlent après leur Dieu. Et tous s'en vont ainsi, vêtus de larges voiles, comme des marbres blancs qui marcheraient la nuit. Qu'ils fassent aurore ou soir, une clarté les suit, et sur leur front grandi s'arrêtent les étoiles. Et parvenu au temple, ouvrant au loin son cœur, dans un recourbement d'ogives colossales, il tombe à genoux sur la froideur des dalles, et jette vers leur Dieu tout le sang de leur cœur. Le sang frappe l'autel et sur terre s'épanche, éclabousse de feu les murs éblouissants. Mais quoi qu'il ait souffert depuis 1800 ans, l'hostie est demeurée implacablement blanche. Fin de Vision.